Je regarde autour de moi, je ne vois rien de net. L'avenir est incertain, mais il faut la faire avec. Si un jour on m'avait dit que la vie drêle est toute cette haine, jamais je n'aurais voulu saluer à la prochaine. Toutes les lois nous sont ôtées, pour mieux nous oppresser. Recommençons à zéro, sortons de l'obscurité.